Alors bonjour et bienvenue encore une fois dans notre étude de l'Épître aux Romains. Ce matin, c'est le dernier des messages d'introduction que nous faisons. La dernière partie facile de l'Épître aux Romains, si je peux dire. À partir de notre prochaine étude, on va entrer dans le verset 16 qui parle de l'Évangile de Christ, de la puissance du salut et qui est justement le thème du livre de l'Épître aux Romains, le salut. Et on va passer en deuxième vitesse. On va aller un petit peu plus vite afin de garder une bonne perspective de l'ensemble du livre de l'Épître. Également, à travers ces études, ma prière, bien entendu, c'est que Dieu puisse toucher vos cœurs à travers les vérités qu'on va apprendre, qu'il va nous apprendre, et qu'il puisse nous transformer à l'image de son Fils. Non seulement qu'il puisse, je sais qu'il le fait, mais qu'il puisse utiliser ces études-là. Alors, ce matin, on va terminer les versets 8 jusqu'au début du verset 16. Je vous invite à tourner, et on va le lire ensemble. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile du Christ. Dans ces versets, l'apôtre Paul, on a déjà commencé à voir, nous enseigne les principes du vrai service spirituel. Et pour la plupart, je sais qu'on les connaît, ces principes, ces caractéristiques. Donc, ça va être ce matin un genre de révision, une mise à jour, si vous voulez bien. Il y avait un artiste allemand du nom de Hoffmann qui peignait majestueusement et dont plusieurs de ses tableaux étaient affichés dans la galerie de Dresde en Allemagne. Et de temps en temps, l'artiste Hoffmann se présentait à la galerie avec à sa ceinture une petite pochette dans laquelle il y avait des peintures, de la couleur, c'est ça, et des pinceaux. Et il passait quelques jours à retoucher ses chefs-d'œuvre, justement. Peut-être là où la couleur avait disparu, là où est-ce que le canevas, la toile commençait à apparaître. Donc, il faisait des petites retouches. Et dans un sens très réel, je pense que c'est peut-être ce que le Seigneur veut faire avec nous aujourd'hui et dans les prochaines études. Une petite retouche là où est-ce que la couleur peut-être aurait pâli dans notre vie. C'est tellement facile dans notre service d'oublier des fois pour qui on le fait ou pourquoi on le fait. Donc Paul, ou Dieu, je pourrais dire, nous rappelle un peu des vérités afin de renouveler notre intelligence ou nous rappeler ces vérités qu'on connaît déjà. Ce n'est pas justement qu'on ne connaît pas ces vérités, mais c'est peut-être le temps pour une petite retouche du Seigneur. Donc, à travers cette étude, j'aimerais ça que vous regardiez comme si le Seigneur lui-même prenait son pinceau et mettait la couleur là où est-ce qu'il voulait, dans votre vie et dans la mienne. Alors, on parle du vrai service spirituel, des versets 8 au verset 16. Paul nous ouvre une fenêtre sur son cœur. C'est ce qu'on a déjà commencé à voir. Il écrit aux Romains, la capitale qui habite, la capitale du monde à ce moment-là, à des gens qu'il n'a jamais vus et qui n'ont jamais rencontré Paul. Il voulait avoir une relation de cœur avec ces gens-là. Et quelle est la meilleure façon d'avoir une relation avec des gens que de leur ouvrir votre cœur? Et c'est ce que Paul fait. Paul ouvre l'intérieur et il leur donne sa vie, c'est ce qu'il fait. Vous savez, j'ai eu le merveilleux privilège de faire des études en théologie avec SEMBEC, qui est le séminaire baptiste évangélique du Québec. Et je peux vous garantir que j'ai appris quelque chose des livres que j'ai lus. J'ai appris des choses, des notes que j'ai prises. J'ai appris des messages que j'ai entendus, des vidéos et des messages audio que j'ai regardés et vus. Mais j'ai appris plus de la vie des hommes qui m'ont enseigné que de tout ce qu'ils ont pu me dire. Les cours étaient importants, mais je regardais leurs attitudes de ces hommes-là. Je regardais leurs désirs, je regardais leurs motifs. Je voulais non pas savoir nécessairement ce qu'ils avaient à me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils me le disaient. Et je crois vraiment que c'est ce que Paul fait avec l'Épître, avec les Romains, dans notre texte. Je pense qu'il ouvre son cœur, il leur dit, « Je suis sur le point de vous dire quelque chose de très important. » Mais avant de vous le dire, j'aimerais, permettez-moi de vous donner moi-même, de me donner à vous, afin que vous puissiez mieux me connaître. Je crois que les véritables principes du service spirituel, du véritable service spirituel que Paul nous enseigne, sont des modèles pour nous, et on a à apprendre de ça. Il faut voir qu'à travers cette épître, c'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui veut nous raconter, qui veut nous dire des vérités, ou nous les rappeler. On n'a peut-être pas la vocation apostolique de Paul. On n'a peut-être pas ses dons uniques, mais on peut avoir certainement ses motifs, ses attitudes et ses désirs. Et on a vu que la phrase clé de notre texte, depuis quelques semaines, c'est au verset 9, qui nous dit « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins. Dieu que je sers en mon esprit. » De là, le véritable service spirituel. Il parle du cœur même de ce qu'est servir. Du service spirituel, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à écouter les messages précédents concernant les 10 points que nous allons voir aujourd'hui. Parce qu'on va réviser les 6 premiers, et je vais passer rapidement sur ces points-là. Et il se peut que vous posiez des questions, donc je vous invite à regarder les 2 messages précédents. Donc, on a vu que lorsque Paul dit « Dieu que je sers en mon cœur », il utilise le mot « latréo », c'est le mot grec, qui traduit « sers »,« je sers » ou « je rends un culte ». Donc, ça signifie que Paul dit « je rends un culte d'adoration, je sers Dieu en mon esprit, je le sers dans mon cœur », c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit « mon cœur d'adorateur qui sert véritablement Dieu est dans ces lignes dans lesquelles je vous écris ». Et entourant autour de cette déclaration, il lui donne un aperçu de la façon dont il sert le Seigneur. Et comme je l'ai dit, on a à apprendre de ça. On a à apprendre parce qu'aucun d'entre nous, aucun chrétien, aucun serviteur de Dieu, ni moi ni vous, ne veut servir juste pour faire les choses, juste pour servir, juste pour remplir la réunion ou notre service d'activité, remplir le programme tel que prévu, sans que notre cœur y soit vraiment. Et ce n'est pas ce que Paul nous enseigne, les vérités, afin que ça n'arrive pas ça. Il nous rappelle les vérités. Donc, je crois qu'il est vraiment important qu'on se rappelle, qu'on sache qu'est-ce que ça veut dire véritablement « je sers Dieu en mon esprit ». Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui sépare le service spirituel des autres services? Eh bien, on a déjà passé, comme je l'ai dit plus tôt, à 2 reprises sur ce texte. Et ce matin, on va terminer avec l'introduction. Donc, rappelons-nous les marques du véritable service spirituel. Qu'est-ce qu'on voit dans la déclaration de Paul? Première caractéristique, on se rappelle qu'on a vu que le véritable service spirituel, c'est un esprit reconnaissant. Paul avait un esprit reconnaissant. Verset 8. C'est là qu'il commence. « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Je rends grâce à Dieu. Paul était toujours reconnaissant pour ce que Dieu faisait dans la vie des autres. Éternellement reconnaissant. Parce qu'un cœur d'adorateur, c'est un cœur reconnaissant. Et la raison pour laquelle vous pouvez également être reconnaissant envers Dieu, peu importe quel est votre service, peu importe ce qui se passe dans votre service ou dans votre vie, la raison pour laquelle vous pouvez être reconnaissant, c'est simplement d'avoir le merveilleux privilège de servir Dieu. Ça seulement, c'est tout un privilège. C'est toute une grâce que Dieu nous accorde et on peut être reconnaissant de ça. Et on peut être reconnaissant de ce que Dieu, comme Paul, ce que Dieu fait dans la vie des autres. Deuxièmement, on a appris que le véritable service spirituel est marqué non seulement par un esprit reconnaissant, mais également par un esprit soucieux. Bien que d'une part vous êtes reconnaissant, vous êtes également soucieux. Verset 9 nous dit « Je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Montrez-moi quelqu'un dont le cœur est constamment dans la prière, qui prie pour son peuple, et je vais vous montrer quelqu'un qui sert Dieu en son esprit, de tout son cœur. Donc, ce n'est pas seulement se présenter le dimanche ou une autre journée de la réunion et faire son truc. C'est aimer assez pour prier, être reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il a fait, et pourtant, sans rechercher encore, être soucieux, préoccupé de ce qui reste à faire, de ce qui n'est pas fait encore. Le véritable service spirituel implique un esprit reconnaissant, un esprit soucieux, préoccupé pour ce qui reste encore à faire. Troisièmement, un esprit de bonne volonté. Verset 10 nous dit, « Demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. » Demandant le bonheur d'aller vers vous. C'est énorme comme déclaration, ça. Il prie pour eux et dit, « Je suis disposé à être la réponse à cette prière-là. Je sais que vous avez des problèmes à Rome, et je prie et pour vous, et je demande à Dieu d'être une réponse, de faire partie de la solution à cette prière. » C'est un esprit de bonne volonté. Ce n'est pas prier à distance, non, ça m'implique personnellement dans la prière, dans la solution. Et ce que Paul dit, c'est « Seigneur, me voici, envoie-moi. » Et quatrièmement, on apprit que le véritable service spirituel est marqué par un esprit de soumission. Verset 10, « D'avoir, demandant constamment dans mes prières, le bonheur d'aller vers vous, d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. » Par sa volonté. En d'autres termes, tout est dirigé et tout doit être dirigé par la volonté de Dieu. J'ai des désirs, mais ils doivent être soumis à la volonté de Dieu. Il n'y a donc pas de panique, pas de presse, parce que c'est Dieu qui est au contrôle de tout ça. Je lui soumets d'abord mes désirs. Le fardeau n'est pas sur moi. Phew. Il est sur Dieu. Le serviteur de Dieu remet tous ses plans à la volonté de Dieu. Il n'est pas en concurrence avec Dieu. Si vous me posez la question, « Patrick, veux-tu bâtir l'Église du Seigneur? » Je vous dis non, du tout. Ouais, qu'est-ce que tu dis là? Non, le Seigneur a dit, « Je bâtirai mon Église et je ne veux pas être en compétition avec le Seigneur. » Par contre, si Dieu désire ou si Dieu dit, « Je veux t'utiliser comme outil pour faire ma volonté. » Ah oui, là, je suis disponible. Mais je ne veux pas bâtir l'Église du Seigneur. C'est lui qui l'a bâti. Je ne suis pas en concurrence avec lui, je ne suis pas en compétition avec lui. Et on n'a pas à être en compétition avec Dieu. On est ses outils, ses serviteurs. Tout ce que je veux, c'est être fidèle à celui qui a bâti cette Église-là. Donc, pas d'ambition personnelle. Mon ambition, c'est de faire la volonté de Dieu. Donc, le véritable service spirituel est caractérisé par un esprit reconnaissant pour ce que Dieu fait, mais ce souci de ce qui reste à faire, il est disponible pour le faire, justement, si Dieu le veut, si c'est la volonté de Dieu. Cinquièmement, le véritable service spirituel est caractérisé par un esprit d'amour. Verset 11, « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. » Maintenant, laissez-moi vous poser une question, vous pouvez répondre dans votre cœur. Qu'est-ce qui pousse le chrétien à vouloir donner? Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir donner aux autres? C'est l'amour, n'est-ce pas? C'est l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est l'amour qui donne envie, qui pousse le croyant à servir, à donner aux autres. Et Paul dit, « Je désire vous voir. » C'est l'idée d'un grand désir interne. « Je veux vous donner quelque chose de spirituel afin que vous soyez affermis. Je veux donner. » C'est un esprit d'amour. Mon désir n'est pas... Son désir, pardon, n'était pas pour lui, mais pour les autres, pour Rome. Il dit, « Je veux vous donner quelque chose. » Et c'est tellement important, ça, frères et sœurs. Il faut se rappeler ça constamment dans notre vie. Et je dois me rappeler, moi, ça. Moi aussi, ça, cette vérité-là. Le véritable amour se mesure toujours en ce qu'il donne. Non en ce qu'il peut soutirer, en ce qu'il peut obtenir ou ce qu'il peut prendre. Le véritable amour se mesure toujours en ce qu'il donne. L'amour supporte tout, il accepte tout, il ne s'avance pas, mais il souhaite le plus grand bien de celui qui l'a offensé. 1 Corinthiens 13. L'amour répand toujours le bien. Il cherche toujours le meilleur, peu importe s'il a été maltraité ou blessé. Et Paul dit, « Je souhaite vous voir depuis longtemps et je tiens à vous donner quelque chose. » Est-ce la façon dont vous regardez votre service? Abordez-vous, lorsque vous accomplissez votre service pour le Seigneur, que ce soit un service qui est public devant tous, aux yeux de tous, ou simplement là où est-ce que Dieu seul peut vous voir, parce que c'est un service qui est dans l'ombre. Abordez-vous votre service avec ce désir profond de donner, qui vous pousse à donner parce que vous avez tellement reçu du Seigneur. C'est comme ça que ça doit être. Sixième point, on est encore en train de réviser ici. On a vu que le véritable service spirituel est caractérisé par un esprit humble, et j'aime particulièrement ce point-là. Verset 12 nous dit, « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi. » Et c'est tellement gracieux de la façon dont il dit ça, qu'il écrit ça. Il dit, « J'ai envie de venir vers vous pour vous donner quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis et je veux être aussi encouragé par vous. » Paul ne se voyait pas comme un « je sais tout » avec plein d'orgueil spirituel qui désirait se décharger sur tout le monde puis qui n'avait pas à rien recevoir de personne, non. Il dit, « Je veux apprendre de vous et je sais que vous allez m'apprendre aussi. Je veux vous donner et vous allez me donner. » Et notez bien qu'il est écrit « afin que vous soyez affermis » et non pas « afin que je vous affermisse » ou « afin que je puisse vous affermir » mais « afin que vous soyez affermis ». L'idée, c'est que c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui affermit. C'est son œuvre. Passons maintenant aux marques finales du véritable service spirituel. Et là, on entre dans du nouveau matériel. Septième point. Le véritable service spirituel est marqué par un esprit fécond. Fécond qui porte du fruit. Verset 13. « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir. » Ensuite, Paul leur donne la raison pour laquelle il n'est pas allé les voir jusqu'à présent. C'est que Dieu l'a empêché. Et le verset 13 continue. « Donc il dit, « Je veux venir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. » Paul voyait le ministère, écoutez bien ceci, Paul voyait son ministère comme une quête, comme une poursuite pour les fruits spirituels. Le ministère, ce n'est pas une fin en soi. Votre service, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen qui mène à une fin. Exemple, la prédication, le but de la prédication, ce n'est pas la prédication. Le but de la prédication, c'est le fruit que ça va produire. L'objectif du ministère de la musique, exemple, ce n'est pas le ministère de la musique, c'est le fruit dans votre vie. Le but de tout, c'est de vous faire réfléchir à des vérités afin de vous faire voir Dieu tel qu'il est et que vous puissiez le louer et l'adorer. Tel est le but de la musique. Le but de tout ministère, ce n'est pas la fonction elle-même. Ce n'est que le moyen, le ministère, ce n'est que le moyen pour arriver à un but. Et le but, c'est le fruit, c'est le résultat, c'est le produit. La quête pour les fruits spirituels était la motivation de toute activité apostolique. Jésus a dit, « Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. » Jean 15, 16, il les envoie pour porter du fruit. Ici, à Val-d'Or, mon but est de voir les croyants porter du fruit. Et ce qui me rend heureux dans le ministère, c'est justement de voir le fruit, le résultat de la prédication, de la parole de Dieu dans la vie des croyants. Troisième lettre de Jean, chapitre 1, verset 4, nous dit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Et je suis tellement heureux de voir le fruit dans vos vies. Le fruit de la fidélité, le fruit de la persévérance. Je suis ici pour les fruits et je peux vous promettre ça. Je veux voir des fruits dans vos vies. Je veux voir la parole de Dieu aller de l'avant et faire son œuvre dans vos vies. Mais soyons clairs ici. Je ne suis pas en train de dire que moi ou quiconque croyant produit le fruit dans la vie de quelqu'un d'autre. Non. Le fruit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en vous et en moi. C'est Dieu qui produit le fruit, qui utilise sa parole, qui utilise les croyants, qui utilise le service, les dons. Mais c'est Dieu qui produit le fruit en nous. Alors, donnons gloire à Dieu. Et j'imagine que c'est pour ça que j'aime personnellement tellement les baptêmes, parce que je vois le fruit dans la vie des gens. Et lorsque quelqu'un me partage ce que Dieu fait dans sa vie, je suis édifié, je suis encouragé, je suis motivé, je suis excité. Lorsque quelqu'un me dit dans l'Église, dans l'Assemblée, qu'une personne l'a aidé, l'a soutenu, l'a encouragé, lui a donné, je vois le fruit. Je vois Dieu à l'œuvre. Ou tout simplement, lorsque quelqu'un m'envoie un courriel, il me dit, tel message, telle prédication, la parole de Dieu, une personne, encore une fois, m'a encouragé, m'a soutenu, je vois le fruit de sa parole, je vois Dieu à l'œuvre, et c'est encourageant, c'est motivant. Je suis là pour le fruit. Et vous devriez servir vous aussi. Il faut se rappeler que l'on sert pour le fruit. On sert Dieu, glorifier Dieu, pour voir le fruit. Notre désir, c'est de voir le fruit. C'est pas simplement servir en tant que tel. Maintenant, regardez au début du verset 16. « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères. » C'est comme s'il disait « Comprenez ceci et comprenez-le bien, parce que je ne veux pas que vous le manquiez. Je veux vous laisser savoir, je veux que vous sachiez que je voulais venir désespérément afin que je puisse cueillir quelques fruits parmi vous. » Et gardez bien ça à l'esprit. Vous pouvez mesurer votre engagement, votre propre engagement, pas celui des autres. Vous pouvez mesurer votre propre engagement en regardant si vous êtes plus préoccupé par ce qui se passe dans la vie des autres que dans votre propre vie. Parce que lorsque Dieu se met à agir dans notre vie, aussitôt qu'on est croyant, il commence à détourner de notre attention de nous-mêmes. Il nous a donné des dons, et les dons, c'est pour l'éducation des autres, c'est pour les autres. Donc, il nous détourne de nous-mêmes, on le sert lui et on sert à travers Dieu, on sert Dieu à travers les autres. Donc, vous pouvez mesurer votre propre engagement en regardant si vous êtes plus préoccupé par ce qui se passe dans la vie des autres que dans votre propre vie. Maintenant, les fruits. Les fruits, c'est quoi de ces fruits-là? Je parle des fruits depuis tantôt. Paul, c'est quoi les fruits de ce que tu parles? Quels sont les fruits? Alors, premièrement, la Bible nous parle de trois sortes de fruits, en gros. Trois sortes de fruits dans la Bible. Première des choses, il y a le fruit de l'esprit. Paul nous dit, pourrait nous dire, ce que je veux voir dans votre vie, les fruits que je veux voir dans votre vie, que j'aimerais voir, vous les Romains, c'est l'amour, la paix, la patience, la bonté, la joie, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. J'aimerais savoir ce fruit-là dans votre vie. C'est ce que j'appelle le fruit d'attitude. Et il y a aussi le fruit d'action. Alors, c'est pas seulement juste l'attitude, mais c'est aussi l'action. Les fruits, c'est ce que vous faites. Romains chapitre 6, verset 22. « Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Hein? » Et il parle de la vie sainte, le fruit de lèvres qui est la louange. Hébreux 13. Le fruit de vos mains, Philippiens 4, qui est de donner. Le fruit de la justice, qui est le comportement de votre vie dans Jacques, chapitre 3, verset 18. Donc, vous avez des fruits d'attitude, vous avez des fruits d'action. Et on retrouve aussi un troisième type de fruits dans la Bible, qui est ce que j'appelle les fruits d'addition, ou les jeunes pousses, et je m'explique. Paul dit, je veux avoir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations. Et là, faut voir qu'il n'est plus juste en train de parler quand il dit le « vous ». Ça va plus loin que « vous autres, l'Église de Rome ». C'est « vous, Rome », les Romains. Et parce qu'il dit ici, « je veux voir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations ». Il ne dit pas les autres églises, mais les autres nations. Donc, c'est plus large, là. Plus large à Rome et plus large dans les autres nations. Et quel genre de fruits qu'il est en train de parler, là, Paul? Je pense qu'il parle des nouveaux convertis. Il parle des nouveaux convertis. Les premiers fruits, comme il mentionne dans Romains chapitre 16, verset 5, les premiers convertis dans une région. Les fruits sont les gens qui viennent à connaître le Seigneur Jésus-Christ, qui sont ajoutés au corps, à l'Église. C'est pour ça que je les appelle, les fruits d'addition. Ils sont ajoutés à l'Église. Paul désire que les hommes soient sauvés. Il dit dans 1 Corinthiens 9, verset 22, « J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles, et je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Ainsi, Paul, son désir, c'est de voir les croyants avoir la bonne attitude avec un bon style de vie pour glorifier Dieu, et des gens ajoutés au royaume de Dieu. Et je crois que le dernier point, les fruits d'addition, les nouveaux convertis, c'est ce dont le texte parle directement dans l'Épître aux Romains, les versets qu'on a lus. Et laissez-moi vous dire qu'il y en a eu du fruit. Lorsque Paul écrit aux Philippiens de Rome, l'écrit de Rome aux Philippiens, il dit dans Philippiens chapitre 4, « Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. » Dieu avait utilisé Paul pour sauver des gens à Rome et même dans la maison de César. Personnellement, je ne pense pas pouvoir survivre à un ministère d'entretien. Avoir des chrétiens assis ensemble, simplement en se regardant, je ne pourrais pas vivre avec ça. Mon désir, c'est de voir le fruit dans votre vie, dans la vie des croyants. Il doit y avoir des fruits, et le fruit vient avec la joie du service, servir notre Dieu. Lorsque quelqu'un me dit « Dieu m'a montré que Dieu a utilisé un tel pour me dire, Dieu m'a parlé, Dieu m'a fait comprendre », le témoignage de Jean, comme je l'ai dit, ça m'encourage de voir comment est-ce que Dieu agit dans ta vie, dans ma vie, dans la vie des autres. De voir des personnes passer des ténèbres à la lumière pour à Dieu. C'est ce dont Paul parle ici. Des vies transformées par la puissance du Saint-Esprit à travers les Écritures pour glorifier Dieu. Moi, je dis amen à ça. Amen. Numéro 8, le véritable service spirituel est également caractérisé par un esprit obéissant. Un esprit reconnaissant, un esprit soucieux, un esprit de bonne volonté, un esprit de soumission, un esprit d'amour, un esprit humble, un esprit fécond, donc qui produit du fruit, et un esprit obéissant. Verset 14, Paul continue de parler des raisons pour lesquelles il sert le Seigneur. Il dit, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. » Il dit, « J'ai une obligation, je me dois. » Le ministère, pour moi, ce n'est pas un caprice. Je me suis posé un jour, « Voyons, je pourrais être un fabricant de tentes et avoir ma propre entreprise. » Ou je pourrais être un avocat avec mon esprit logique. Et même, je pourrais faire partie du gouvernement. Ou encore, je pourrais être un prédicateur de l'Évangile. Pile ou face. Bien non, c'est pas comme ça qu'il a choisi son ministère. La parole de Dieu nous dit qu'il y a une dette. Il s'agissait d'une obligation envers Dieu. Il y avait une dette envers Dieu, premièrement. Si vous avez oublié, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16, nous dit « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. » En d'autres termes, si, oui, je prêche l'Évangile, mais ne nommez pas une ville en mon nom, ne me faites pas une statue, ne me donnez pas une médaille, ne faites pas une fête en mon honneur. Je n'ai rien à me glorifier. Le texte nous dit « La nécessité m'en est imposée. » Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. La nécessité m'en était posée, je suis maudit si je ne parle pas de mon Dieu, du Sauveur. J'ai une dette envers Dieu, c'est ce que Paul nous dit. Si je le fais de bon cœur, verset 17, par contre, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Et c'était contre sa volonté. Vous vous rappelez, Paul était sur le chemin de Damas pour en se rendant avec des lettres pour pouvoir faire prisonnier des croyants. Il voulait les tuer, il voulait les martyriser, il voulait les voir renier la foi, il voulait les amener à Jérusalem. Et ce qu'il a fait avec bien des croyants, et Paul l'a arrêté, Dieu l'a arrêté Paul, et en un instant, en une seconde, il est passé de persécuteur à adorateur. Wow! Persécuteur, adorateur. Dieu a changé son cœur et est devenu un serviteur et un prédicateur de l'Évangile. Et c'était contre sa volonté. Dieu l'a choisi pour porter son nom. Donc, Paul, oui, avait une obligation envers Dieu. C'était une dette éternelle, on s'entend ici. Je dois ma dette à Dieu et je m'acquitte de cette dette en annonçant l'Évangile aux Grecs et aux barbares. Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Deuxièmement, Paul, je disais, avait une dette envers Dieu, mais il avait une dette aussi envers les Romains et les autres nations, comme le texte nous dit ici. Exemple, si je marche dans la rue et que je vois une maison dont le toit est en feu, et dans une autre section de la maison, je vois la famille qui joue au Wii ou qui écoute la télé, et je les vois par la fenêtre. Quelle est donc ma responsabilité à ce moment-là? Je pourrais me dire, en me tenant debout sur le trottoir, je me demande si quelqu'un connaît cette famille et pourrait aller leur dire que leur maison est en feu. Ben non, j'ai une dette, j'ai une responsabilité envers cette famille-là. J'ai l'information qui peut leur sauver la vie. J'ai une dette envers eux. Si je marche sur un pont et un homme tombe dans la rivière, je me dis pas, je me demande si quelqu'un connaît cette personne pour savoir si elle mérite d'être sauvée. Encore une fois, non! J'ai encore une responsabilité envers cette personne-là. Si j'ai une corde à ma disposition, si j'ai un moyen quelconque, j'ai une dette. À cause du besoin de cette personne et de ma capacité à répondre à ce besoin-là. Si je vois un homme sur mon chemin qui est sans ressources, qui n'a pas de vêtements, qui n'a pas de nourriture et pas de place où coucher sa tête, comme l'avait dit, pas de place où dormir, et que moi j'ai tous ces moyens-là pour répondre à ce besoin-là, et que je dis à cette personne-là, « Vas en paix, habille-toi et bon appétit, je ne me suis pas acquitté de ma dette », nous dit Jacques, chapitre 2, verset 16. Paul dit, « Je dois un message au monde païen parce qu'ils sont sur le chemin de l'enfer et j'en connais le chemin vers le ciel. » Donc, nous avons également une dette envers Dieu, une dette éternelle, et une dette envers les hommes, envers toutes les nations autour de nous. Notre voisin, notre employeur, la dame à l'épicerie, la dame qui fait le ménage, et l'homme aussi, les gens autour de nous en vacances, on a une dette envers ces gens-là. Luc chapitre 12, verset 48 nous dit, « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. » Et laissez-moi vous poser la question, est-ce que vous avez reçu beaucoup? Est-ce que Dieu vous a donné beaucoup? Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné son Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix. Paul avait une obligation premièrement envers Dieu, et ça a été sa vocation apostolique. Et sa dette s'est exprimée dans la prédication de l'Évangile à des Grecs et des barbares. Et il dit la même chose au verset 14, lorsqu'il se répète « aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants ». Les Grecs étaient considérés ou se considéraient comme l'élite de la société. Ils se considéraient comme les savants et toutes les autres nations étaient considérées comme des barbares. Les autres nations étaient considérées comme sans éducation, ignorants et stupides. Et Paul dit « je me dois aux gens instruits et aux gens analphabètes ». Autrement dit, nous ne devons pas choisir à qui nous annonçons l'Évangile. Nous ne devons pas choisir, frères et sœurs, à qui nous annonçons l'Évangile, dans ce sens de repousser un pour préférer l'autre. Nous sommes appelés à servir le Dieu parmi toutes les nations, sans exception. La parole de Dieu nous dit, hein, Jésus a dit, Actes chapitre 10, verset 35, « Dieu ne fait point d'exception de personne. » Si Dieu lui-même n'en fait pas, nous ne devons pas faire. Nous sommes tous égaux. Paul dit, « Je veux atteindre les gens », n'est-ce pas? Et la parole de Dieu qu'il utilise, elle est égalisateur. Elle égalise tout le monde. Elle met tout le monde sur le même piédestal, au même niveau, n'est-ce pas? La parole de Dieu met tout le monde au même niveau, pécheur et perdu. Et la parole de Dieu donne la même solution aux riches, aux pauvres, aux malades, à l'éduqué, à l'homme en santé, à l'ignorant, la même solution qui est une personne qui est le Seigneur Jésus, qui dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père, nul ne peut entrer en contact, nul ne peut entrer en relation avec Dieu que par moi, par Jésus-Christ. » Donc Paul avait un esprit reconnaissant, il avait un esprit soucieux, un esprit bien disposé, un esprit soumis, un cœur aimant, un cœur humble, un cœur fécond, un esprit fécond qui veut produire du fruit, un cœur obéissant. Et maintenant, les deux caractéristiques finales de notre texte. Numéro 9, un serviteur de Dieu est caractérisé par un esprit ardent, un esprit empressé, bouillant, zélé. Et ce dernier point vient, je peux dire, balancer mettre du poids dans la balance concernant le dernier point. Puisque le dernier point, peut-être que vous avez senti un certain fardeau, là. « Oups, Patrick, j'ai une dette, je suis obligé, je me dois. » Puis Paul disait ça. Puis là, c'est Paul, là, il y a un ministère spécial, puis tu me mets un fardeau, là, je sens ça lourd. Donc, l'avant-dernier point, le verset 9, vient mettre un peu, rebalancer remettre de l'équilibre dans tout ça. Lorsque Paul dit « je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants, aux ignorants », il n'est pas en train de dire « je le fais à contre-cœur ». Non. Il dit « c'est avec empressement qu'il voulait s'acquitter de cette dette-là ». Verset 15, il dit « j'ai un vif désir ». Dieu a mis ce désir-là en moi de m'acquitter de cette dette-là. En d'autres termes, autant que j'en sois capable à l'intérieur de moi, je suis prêt, je veux venir vers vous, j'ai ce désir-là. Je suis prêt à vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Donc, Paul a un esprit affamé. Il dit « je suis prêt ». Et le mot, littéralement, c'est « je suis impatient de vous, d'aller vous voir, de vous parler ». Je suis impatient de vous parler de l'Évangile, de vous partager l'Évangile. Le souci de Paul était de réaliser le plan de Dieu et le ministère que Dieu lui avait donné. Il n'avait pas de, Paul n'avait pas peur pour sa vie. Ce n'était jamais quelque chose qui venait entrer en conflit avec le ministère, avec son service. Ce n'était jamais dans sa pensée « qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? » Est-ce que je vais perdre la vie? Est-ce que je vais souffrir? Est-ce que je vais être emprisonné? Ce n'était jamais ça. Acte 20, 24. « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » La vie de Paul n'a jamais été la question. Enfin, il dit dans Philippiens chapitre 1, verset 21, « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 6, « Quelle est la différence si je meurs? Si je suis absent de corps, je suis présent avec le Seigneur. » Donc, sa vie n'a jamais été un problème dans son ministère. La vie, pour Paul, n'avait qu'un seul but. Pensez à cela lorsque vous regardez votre propre vie. C'est une chose très difficile à comprendre lorsqu'on ne comprend pas bien les Écritures ou le but de notre existence. La vie de Paul n'avait qu'un seul but. Elle n'avait qu'une seule valeur. C'était de faire l'œuvre de Dieu. Il avait hâte de prêcher Paul. En ce qui me concerne, je suis impatient de venir à Rome pour prêcher l'Évangile. Il était comme un cheval de course qui frappe à la porte. Qui sont toutes alignées l'un de l'autre, puis il y a des portes qui doivent s'ouvrir, donc qui frappent contre l'acier. Il était impatient de faire l'œuvre de Dieu. Il était comme un coureur sur la ligne de départ. Dieu devait le retenir tellement il était zélé et ardent. Êtes-vous comme ça? Êtes-vous empressé de servir le Seigneur tellement vous avez reçu de lui? Êtes-vous empressé de vous acquitter de ce ministère dans lequel vous êtes impliqué, de lequel Dieu vous a mis, avec vos dons? Êtes-vous pressé de servir les autres, de regarder les autres comme étant au-dessus de vous et de leur exprimer l'amour de Dieu qu'il a eu pour vous, l'amour de Dieu pour les autres? Et ça nous amène à la dernière caractéristique aujourd'hui. J'appelle ça un esprit audacieux. Un esprit audacieux. Verset 16. « Car je n'ai point honte de l'Évangile. » Paul, comment est-ce que tu peux être empressé d'aller à Rome? Ne sais-tu pas que Rome est... ils sont dans le culte de l'empereur jusqu'au cou. Ils baignent dans le paganisme, c'est-à-dire qu'ils n'adorent pas le Dieu vivant, mais ils adorent toutes sortes de dieux. Ils adorent l'empereur, entre autres choses. Tu sais qu'ils méprisent l'Évangile de Jésus-Christ? Comment peux-tu avoir envie et avoir hâte à être impatient d'aller à Rome? N'es-tu pas intimidé d'aller là-bas? Paul dit, « Je n'ai point honte de l'Évangile. » C'est une déclaration tellement importante dans notre vie de la part de Paul. Paul dit, « Quand j'aurai l'occasion de parler, je vais parler. Je ne m'inquiète pas, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de mon Dieu, de mon Seigneur, de mon Sauveur. » Et il l'a prouvé à Jérusalem, il l'a prouvé à Athènes, qui n'avait pas honte, qui était zélé, qui était impatient. Il allait le prouver encore à Rome. Il l'a prouvé dans chaque ville qu'il se rendait, parce que dans chaque ville qu'il se rendait, les gens voulaient le persécuter, les gens le persécutaient, ils voulaient le tuer. Mais dans tout ça, Paul n'a jamais donné un coup de poing, n'a jamais répondu par la violence. Le serviteur du Seigneur est toujours prêt à faire face aux situations sans aucune honte, avec audace, de façon audacieuse. Et ça parle directement à mon cœur, ça, mes amis. Jeffrey Wilson a écrit ceci. L'impopularité d'un Christ crucifié a incité de nombreuses personnes et de nombreux mouvements à présenter un message qui est plus acceptable pour le non-croyant. Mais lorsqu'on enlève l'offense de la croix, le message devient toujours inefficace. Un évangile inoffensif est un évangile inefficace. Il continue en disant, « Là où le christianisme est mutilé le plus, c'est dans sa propre maison. » Et c'est vrai, lorsque nous réduisons l'évangile afin de ne pas offenser notre voisin, de ne pas offenser les gens, nous castrons en quelque sorte l'évangile, nous lui enlevons sa puissance. Parce que lorsqu'on modifie l'évangile, c'est vraiment ça, afin de ne pas offenser les autres, ce n'est plus l'évangile, donc ce n'est plus la vérité, donc ce n'est plus efficace. Et si des gens viennent et acceptent et reçoivent cet évangile, ce n'est pas l'évangile de Christ, c'est un autre évangile qui fait qu'on a des, ça produit des faux convertis dans l'Église, qui fait qu'un jour, ça va produire des troubles où les gens vont se retirer parce qu'ils n'ont pas accepté le vrai évangile et qu'ils ne servaient pas le vrai Dieu. Ça va produire des gens religieux. Si le message que vous annoncez est un message de compromis, pour ne pas offenser ceux à qui vous parlez, alors le message est inoffensif et inefficace. Ça donne de faux convertis, je disais. Comment est-ce que vous vous positionnez à ce sujet-là? Est-ce que vous annoncez l'Évangile tel qu'il est, ou est-ce que vous le réduisez afin de ne pas avoir de persécution, ou, on va dire, pas offenser les gens? L'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Paul dit, « Je n'ai pas honte. » Donc, un esprit audacieux. Je raconte une histoire ici. Dans l'Église primitive, il y avait un chrétien du nom de Basile. Peut-être avez-vous lu à son sujet. Cet homme a été martyrisé en l'an 363 après Jésus-Christ. Il a été martyrisé par un homme qui est devenu connu sous le nom de Julien l'Apostat. L'Apostat. Julien avait rétabli le culte païen dans l'Empire romain. On se souviendra peut-être, ou je vous apprends, que Constantin, qui était empereur de l'Empire de Rome, un des empereurs, avait décrété que le christianisme était la religion officielle dans l'Empire. Et lorsque Julien lui a succédé, il a rétabli le culte païen, donc adorer toutes sortes de dieux qui vous voulez. Et quand Julien est arrivé justement à son poste et a déclaré ça éventuellement, Basile, le chrétien, est allé demander d'être entendu par Julien, qui l'a entendu, est allé voir, et voici ce que les historiens nous disent, qu'il a dit à Julien. « Traître et infidèle, tu as abandonné le trône préparé pour toi dans le ciel, et en vérité, je crois que Christ, que tu as renié, va t'enlever ton trône et ta demeure pour que tu saches combien est grand le Dieu que tu as offensé. » Tu n'as pas combattu pour lui, et tu ne l'as pas adoré, et tu n'as pas gardé ses commandements. C'est pourquoi, grand empereur, Christ ne se souviendra pas de toi. Wow! Les empereurs n'étaient pas habitués à ce qu'on leur parle de cette façon. Donc, Julien a condamné Basile à la prison. Et voici la punition qu'il lui a donnée. Chaque jour, les gardes devaient faire 7 lanières de cuir à partir de bandes tirées de sa peau. Et ainsi, chaque jour, il coupait de longues bandes de peau pour en faire des lanières. Et ça a duré des semaines. Enfin, Basile a ramassé une des lanières faites à l'aide de sa peau. Il l'a pris dans ses mains. Il a demandé qu'on lui accorde une audience pour qu'il puisse parler à l'empereur Julien. Et les soldats lui ont dit « oui, il n'y a pas de problème », parce qu'ils pensaient que Basile était prêt à renier la foi et accepter Julien comme empereur et comme son dieu. Donc, il fut amené, tenant dans sa propre main sa propre chair, des cicatrices par tout le corps. Et voici ce que les historiens racontent que Basile a dit à Julien. « Muets, sourds et aveugles sont tes idoles. Pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Et il jeta la lanière aux pieds de l'empereur Julien. Ils l'emportèrent et le déposèrent sur un lit de points de fer rouge et il mourut. Je dirais que Basile avait de l'audace, était audacieux, n'est-ce pas? Paul servait Dieu dans son esprit. Qu'est-ce que ça signifie? Paul était tellement reconnaissant du cadeau que Dieu lui avait fait, que sa seule façon de répondre à l'amour de Dieu était par une vie de service. Paul n'avait pas honte. William Lloyd Garrison a écrit ceci. Et le contexte, c'est les gens lui parlent et lui disent, les chrétiens ou d'autres gens disent, « Tu ne devrais pas dire que les gens sont pécheurs, c'est offensant. Tu ne devrais pas parler de la colère de Dieu. Tu ne devrais pas parler de l'enfer. Ça nous offense, ça nous fait peur, ça nous dégoûte. » Et c'est ce que les gens disent aujourd'hui, n'est-ce pas? L'enfer, ça n'existe pas. Comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut envoyer les gens à l'enfer, tout ça? Et ils disent à cet homme, « Parle-nous pas comme ça. » William Lloyd Garrison a dit, « Je suis conscient que plusieurs s'insurgent au sujet de la sévérité de mon langage. Mais n'y a-t-il pas une raison pour cette sévérité? Je serai aussi sévère que la vérité, aussi intransigeant que la justice sur ce sujet dont je ne désire pas parler, penser ou écrire avec modération? Non, non, avertir un homme dont la maison est en feu et en lui donnant une alarme modérée, ou modérément sauver son épouse de la main d'un ravisseur, de dire à une mère de sortir tranquillement son bébé de l'incendie dans lequel il est tombé, de me demander avec instance d'user de modération dans une cause comme celle-ci, on parle de l'Évangile ici, je n'hésiterai pas, je ne m'excuserai pas, je ne reculerai pas d'un pouce et je serai entendu. » Fin de citation. Quel amour pour le Seigneur, aucun compromis. L'amour de Dieu nous presse, l'amour de Dieu nous pousse. La grâce que Dieu a eue envers nous fait que nous ne pouvons pas nous taire en tant que croyants. On ne peut avoir honte de notre Sauveur, de notre Dieu. On en est fier de notre Jésus. On en est fier de notre Dieu. Et Paul, avec ses 10 caractéristiques, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'il est en train de dire aux Romains. Je suis fier de Dieu. Voici comment je le sers, ce Dieu-là. C'est un modèle pour nous. À cause de l'œuvre de Dieu dans la vie de Paul, Paul servait avec un esprit rempli d'actions de grâce, avec un esprit soucieux, préoccupé pour tout ce qui restait à faire encore, avec un esprit de bonne volonté, et était prêt à être la réponse à la prière, était disposé, « Seigneur, me voici, envoie-moi. » Un esprit de soumission, se soumet à la volonté de Dieu, si Dieu le veut. Un esprit d'amour qui voulait leur donner. Un esprit humble qui était prêt à accepter des gens de Rome qui l'enseignent lui-même, d'apprendre d'eux. Un esprit fécond qui voulait voir du fruit parmi eux, parmi les nations. Un esprit docile qui était obéissant. Un esprit ardent, c'est-à-dire impatient de vouloir servir, d'aller vers eux, de partager l'Évangile. Et un esprit audacieux. Paul n'avait pas honte. Et je crois que le divin peintre veut retoucher aujourd'hui, ce matin, nos tableaux. Dieu, dans le ciel, le voit parfait, notre tableau. Il voit Jésus, parce qu'il voit Jésus à travers nous. Et notre tableau est déjà parfait à ses yeux. Nous sommes saints. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes avec lui. Mais il y a cet aspect aussi dans notre vie où est-ce qu'il nous rappelle ces vérités-là, où est-ce qu'il nous raconte, qu'il nous donne ces vérités-là, afin qu'avec joie, on serve, qu'on ait des outils pour le glorifier, pour servir autour de nous. Donc, je crois que Dieu va prendre son pinceau aujourd'hui et dans les prochaines semaines et retoucher des couleurs qui peut-être se sont estompées parce qu'on oubliait peut-être la raison pour laquelle on servait ou parce que les soucis de ce siècle nous ont accablés par un certain temps. Donc, Dieu nous rappelle ces 10 points que sont le véritable service spirituel. Et on veut servir, nous, en tant que croyants, de cette façon. Alors, donnons gloire à Dieu. Glorifions Dieu avec les dons qu'il nous a donnés par le service. Prions, frères et sœurs. Notre bon Père du ciel, oui, nous réalisons que nous sommes des outils entre tes mains. Et nous désirons, nous avons ce vif désir de faire ta volonté, de servir. Seigneur, utilise-nous pour ta gloire. Glorifie ton nom. Seigneur, nous désirons et nous savons que nous sommes et nous désirons être un parfum de bonne odeur pour toi, répandant ton odeur, répandant ton parfum, répandant ta grâce, ta gloire tout autour de nous. Apprends-nous, Seigneur, à mieux te connaître. Apprends-nous à, de mieux en mieux à comprendre quelle est la grâce, Seigneur, quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Sois glorifié, sois béni, Seigneur, dans la vie de tes enfants et rappelle-nous jour après jour ces vérités. Amen. Et je vous souhaite encore une fois bonne semaine et à bientôt.